Du coup, je me demande quelle est la bonne question à poser à son boulanger ou à sa boulangère pour savoir ce qu'il ou elle nous vend. Moi, ma première question... Après, ça dépend si je vais dans une boulangerie, on va dire, classique, en ville, ou si je suis sur un marché. Mais ma première question, c'est est-ce que c'est du pain au levain et pur levain ? Parce que des fois... Le vin naturel. Ouais, le vin naturel, oui. Je ne sais pas qu'il y avait du levain industriel. Enfin, pur levain, parce qu'il y en a qui font à la levure et qui mettent un peu de levain. Et donc ça veut dire qu'on peut dire que c'est sur levain. Voilà, c'est ça. Et donc sur levain, on ne sait pas combien de quantité il y a de levain dedans, mais dans tous les cas, le processus dans lequel le levain aurait permis d'avoir un pain très digeste avec beaucoup de goût n'existe plus parce que la levure prend le pas, quoi, tout de suite. Donc moi, c'est ma première question. Est-ce que le pain est au pur levain ou pas ? Ouais, il y a vraiment... Il y a un gros flou. Oui, il y a un flou et puis il y a plein de pratiques différentes. Du coup, moi, j'ai rencontré aussi des artisans boulangers de boulangeries de ville ou de petits villages qui vendent du pain au levain et qui font un vrai levain naturel. Du coup, il faut poser la question et chercher à savoir peut-être s'il y a de la levure dans le pain. Parce que soit il y en a, soit en gros, soit il y en a, soit il n'y en a pas. Oui. C'est pas grave de manger du pain à la levure de temps en temps. En fait, c'est vraiment une question de quantité, de si c'est tous les jours, à chaque repas... Ouais, mais si de temps en temps, c'est pas grave, mais... Le levain, par exemple, ça joue sur la digestion, parce que le levain, à la différence de la levure, va avoir un travail enzymatique, pas aller trop loin dans la chimie, mais fait un travail enzymatique qui va aider à prédigérer, dissoudre quelque part les gluten, et qui vont rendre la digestion du pain, quand on le mange, plus facile pour le corps humain. La levure, elle ne va pas avoir d'action du tout sur les gluten. La levure, elle a une action mécanique, elle fait lever, mais elle ne va pas donner de goût, elle ne va pas prédigérer, elle ne va pas fermenter, enfin pas plus que ça, alors que le levain, chaque jour qui passe, le pain ou le levain, il a un goût différent, parce qu'en fait, c'est un pain vivant qui continue à évoluer. Un pain blanc à la levure, il ne va pas moisir. On ne peut pas le faire moisir, il va sécher. Et en fait, moi je dis, quand j'ai des gens qui disent « Ah, le pain il a un peu moisi », bon, parce qu'ils l'ont gardé longtemps dans une cuisine humide, souvent, mais aussi parce que le pain il est vivant. Et c'est ça. Ouais. Le levain donne un pain vivant.